C'est Cargo Cult. Bonjour et merci d'être là à ce rendez-vous hebdomadaire. Pinonneur du monde et d'ailleurs, ami de Mulhouse en DAB+, ami parisien aussi en DAB+, ami plus, qui est toujours fidèle à ce rendez-vous. Voilà, elle est entamée, cette nouvelle saison de Cargo Cult. Elle a commencé sous des auspices un peu familiaux. J'étais très content la semaine dernière, de vous présenter Young Marble Giants, une petite fratrie, puisque tout tourne autour de deux frères et puis d'une chanteuse, voilà, une version ultra minimaliste comme ça, mais qui tourne sur un aspect un peu familial. Et c'est ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui de parler d'une famille, voilà, une vraie, avec quelque chose qui est le vrai pendant minimaliste, mais dans une tradition totalement inversée, dans une culture inversée de ce qu'on a évoqué la semaine dernière avec Young Marble Giants, c'est ESG, qui, elles, sont de l'autre côté de l'Atlantique, sont à New York, et précisément dans l'endroit le plus pourri de New York à cet endroit-là, le Bronx, le South Bronx. Et là, c'est une fratrie de sœurs. ESG. C'est incroyable parce que c'est un groupe qui est à la fois connu, ultra mythique, voire ultra mythifié, et en fait très peu connu. Il y a notamment beaucoup de conneries qui se sont dites par rapport au groupe. La fiche Wikipédia est calamiteuse d'informations erronées, que ce soit d'ailleurs en version anglaise qu'en version française, on en corrigera. Mais surtout, on va découvrir et redécouvrir ce disque. Alors, bienvenue sur c'est un des disques qui m'a... Enfin, c'est probablement 1981, le disque que j'ai le plus écouté, que j'ai rayé, que j'ai abîmé, que j'ai fini par perdre. D'ailleurs, je m'en veux, il vaut un prix d'or dans sa version originale. Enfin, je ne vais pas me plaindre de ça, ça a été pas mal réédité et complété. ESG, bah, c'est un acronyme. Emerald, Sapphire and Gold. C'est les pseudonymes, en fait, des protagonistes féminines du truc. Et ESG, je vous le disais, c'est un groupe familial avec donc les sœurs Scroggins, d'ailleurs, il y a un petit S à la fin de leur nom. Elles sont composées de René, qui est la mentor du groupe, et c'est elle qui continue d'ailleurs à le mener. Le groupe est toujours là, en fait, après quelques incarnations, je viendrai un petit peu là-dessus. Valérie aux drums, Déborah à la basse et Marie aux congas. Et il y a un gars quand même qui a invité au congas aussi. C'est le voisin, lui, qui est... donc voilà, quand c'est pas familial, ça reste en tout cas extrêmement communautaire. ESG est culte et au-delà du culte, mais vraiment, s'il y a une expression du groupe culte qui peut se faire, c'est finalement beaucoup pour un groupe comme ESG. Pourquoi ? Parce que c'est culte au-delà du chant qu'il a vu naître, en fait. Quand ESG voilà, commence à jouer en 79, et ils vont signer leur premier disque en 1981, elles sont dans un univers qui est à peine nommé. On est dans un post-punk, on est dans ces humeurs no-wave, mais dans lesquelles finalement elles ne sont pas spécialement accoquinées. Mais de fait, elles vont y être attachées. Mais le rayonnement de ESG va se faire en fait sur des décennies suivantes. Et dans le domaine de la house, et dans le domaine du hip-hop. Donc, mine de rien, les petites nanas, elles touchent une forme de rock indépendant, de post-punk, de hip-hop et de house. Et dans chaque domaine, ce sont des icônes absolument magnétiques. Et le pire, c'est que ça vient de presque pas grand-chose. Ça vient fondamentalement de leur strict début. Et c'est du début des années 80 qu'on va parler aujourd'hui avec ESG. C'est pas tant en album dont je vais faire le portrait, parce que l'album, le vrai, l'album originel, l'album séminal qui va ensemencer toutes les générations dont je vous parle là, est en fait un mini-album, c'est même un 45 tours de 3 titres. C'est 9 minutes de songs, et pas plus. 9 minutes auxquelles se sont ajoutées 7 ou 8 minutes de live sur un mini-LP qui est sorti sur le label 99 Records. Ça se passe en 1981. Dans la foulée, deux ans après, il va y avoir un album et qui va en fait un petit peu concrétiser l'instinct de ce premier mini-album, on peut l'appeler maxi aussi, mais enfin il est tourné en 33 tours, donc on dit toujours mini-album. Et suite à ça, le groupe split. Mais Et voilà, et ça, c'est là que l'histoire va finalement rattraper un petit peu ces héroïnes-là, parce que ce sont devenues des héroïnes, et de fait créer la légende. Le sample, l'histoire du hip-hop, la proto-house, puis la véritable house, va consacrer ce couple-là. Et du coup, elles vont redébarquer, elles vont se reformer. Et ISJ existe toujours, mené par René, avec ses filles. Ah, donc ça reste une histoire de famille, c'est assez formidable. Et c'est ultra touchant. Alors venons un petit peu à l'origine de cette histoire-là, ISJ. Elles grandissent là où c'est dur, mais là où il se passe pas mal de trucs quand même, puisque dans ce South Bronx des années 70, on est sur un tableau urbain totalement ravagé, dans une population sans le sou, qui dit population sans le sou, dit absence d'impôts locaux, donc impossibilité d'entretenir un quartier. Donc le Bronx, c'est un truc qui est défoncé de partout. Les promoteurs immobiliers préfèrent brûler les immeubles afin de toucher une petite assurance qu'essayer de les vendre, parce que de toute façon, personne ne les achètera. Voilà le portrait du Bronx, et spécialement de South Bronx, New York, à l'aube des années 80, à la fin des années 70. Voilà. Mais ce Bronx-là, c'est celui aussi où vont naître les block parties, la culture hip-hop à son strict début, la Zulu Nation, Africa Bambaataa et d'autres. C'est pas d'eux dont je vais faire le portrait aujourd'hui, mais ils sont quand même en filigrane de ça. Et ESG est en à côté de ça. Sont pas des rappeuses. Et c'est pas là qu'elles veulent aller. Mais elles sont complètement bercées de culture noire, James Brown en tête, qui ne l'est pas. Et il se trouve que leur maman, qui travaille dans une administration locale, et comme tout parent, a peur que ses enfants tombent dans la rue et soient piégés par tous les pièges en quoi peut consister la rue à ce moment-là. Et on comprend rapidement que les rues du Bronx, ce n'est pas celle de Manhattan. Donc, comme les bambines montrent un intérêt comme très prononcé pour la musique et se montrent très insistantes auprès de maman pour avoir des instruments, les petites vont avoir leurs instruments assez tôt. Je vous parle d'un groupe dont le premier 45 tours a été signé quand elles étaient toutes mineures. Il faut vous mettre ça dans la tête. Les mômes vont signer le 45 tours et l'album mythique dont je vous parle, elles ont à peine 18 ans. C'est absolument dingue, quoi. Je ne suis pas encore là. Elles sont dans leur petite douzaine d'années. Voilà, et donc maman offre une basse, une guitare, ironie du sort, il n'y a pas les amplis, c'est pas mal quand même. Elle joue, alors elle trouve quand même des amplis du voisinage, mais pour vraiment jouer, elles n'ont pas les amplis. Ça va les obliger à jouer de manière un peu sommaire finalement, relativement minimale, parce que oui, après tout, vous pouvez jouer de la guitare et jouer de la basse sans amplis, simplement. Faut mieux rester dans votre cuisine et puis jouer des choses simples hein, pour que ça soit intelligible. L'histoire n'est pas à démontrer. Et mine de rien, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va donner déjà un style, même si ce n'en est pas encore un, à ESG. ESG va se faire repérer sur un... C'est The Voice, à la limite. On est dans... C'est pas un radio-crochet, mais presque dans un tremplin. Ce qu'on appelle un tremplin, c'est un radio-crochet, mais sans qu'il soit radiodiffusé. Et là, ça se passe à Manhattan. Les petites se sont quand même débrouillées pas mal. Et dans le jury, il y a quelqu'un d'important, qui s'appelle Ed Balam, et qui va, non seulement adorer le groupe, mais va devenir leur manager. Ed Balam, c'est le boss d'un jeune label qui s'appelle 99 Records. Un label fondamental, 99 Records, relativement éphémère. Je ne vais pas en faire l'histoire ici, mais j'y reviendrai parce qu'il y a, comme ça, de façon générique, et finalement pour ouvrir une parenthèse que je vais fermer tôt, 99 Records va signer aussi Liquid, qui va consacrer, mais aussi signer la fin du label à cause d'histoires de copyright totalement pourries. Voilà, l'histoire est connue, mais elle est aussi, c'est une histoire de hip-hop terrifiante. Mais il y a aussi sur ce label un groupe comme les Bush Tetras. Je crois que c'est un petit peu les premiers à faire le succès du label. Les Bush Tetras vont être les amis proches d'ISJ qui vont leur passer des amplis un peu plus solides. Et aussi Glenn Branca, figurez-vous. Alors Glenn Branca, c'est pas cette culture-là. Glenn Branca, c'est l'homme aux symphonies de guitare. Guitare sursaturée, guitare jouée à vide. C'est notamment là que deux primo genoux de la guitare un peu énervés vont faire leur début. C'est Lee Ranaldo et Peter Sunmoore. Voilà, exactement. ceux-là qui vont créer dans la foulée Sonic Youth. Donc voyez dans quel New York on se situe. On est dans ce New York no wave, proto-punk-funk, parce que le mot va être lâché. Le mot va être lâché, il est déjà un peu lâché pour James Chen, James White, des trucs comme ça, mais il va être doublement lâché justement avec les Curie 99 Records, qui va volontiers mettre le punk-funk non plus sur des scènes un peu rock'n'roll teigneuses, type CBGB, mais le mettre dans des clubs comme le Hoorah's, où là, l'humeur est plus festive et plus colorée. Il était temps, on sort enfin du punk, j'ai envie de dire. Donc, à ce Radio Crochet, coup de foudre de Al-Balam, qui veut devenir manager des petites, et bien sûr, il va l'être, elles n'en ont pas, et qui va les faire ouvrir un concert de Gang of Four, qui, lui, est le versant post-punk-funk de Manchester. C'est un groupe important. Je réalise que tous les groupes que je nomme là, ils seront un jour dans Cargo Cult, ça va de soi. Et Satan Ratio, c'est le pendant, je dirais, un petit peu sexy et black, quand bien même c'est un groupe finalement black-blanc et plutôt blanc. C'est ce pendant-là à Joy Division. Et pourquoi ? Un, on est à Manchester, et deux, surtout, on est sur le même label et le même producteur. J'entends Factory Record, et surtout, le producteur qui va faire le son de Factory, c'est Martin Annett. Et figurez-vous que c'est Martin Annett qui va se retrouver derrière les manettes. Je n'ai pas voulu faire un jeu de mots en vous disant ça, mais Martin Annett derrière les manettes, c'est quand même le mot qui convient, derrière ce fameux disque DSG. Mais attention, pas du tout comme il se le raconte un peu communément. Parce qu'effectivement, l'histoire dit que Al-Balam, je reviens à lui, boss de 99 Records, très fier de sa découverte, parce que les petites, elles déménagent sur scène, c'est absolument formidable, commence à tourner un petit peu plus régulièrement sur Manhattan, va les présenter à Tony Wilson, qui va devenir dingue du groupe après les avoir vus sur les scènes du club Hoorah's. Et qui dit dingue du groupe dit ouais, je veux les signer. Alors Al-Balam a son label, 99 Records, et Tony Wilson a le sien aussi. Et le sien, c'est Factory Records. Factory a déjà signé les deux albums de Joy Division essentiels, No Pleasure, Closer, et bientôt, Certain Ratio sera dans les boîtes. Donc, le label est là. Et il est dans la hype, c'est sûr. Tout comme 99 Records commence à l'être, d'ailleurs. Alors, je continue mon histoire, parce que je traîne presque un petit peu volontairement. Tony Wilson nous dit, la fiche Wikipédia, il nous dit à peu près tout ce qu'on lit en ligne, dit « Ouais, ok, je vous embarque à Manchester, youpi les filles, 3 jours après, elles sont derrière la console de Martin Annett à enregistrer à Manchester. » Alors, on reprend. Vous êtes à New York, en 1980, 81 même. 3 petites nanas, super, vous rêvez de les signer. Vous allez immédiatement leur payer un Concorde ou un truc dans le genre, pour qu'elles débarquent toutes les trois à Manchester avec leurs instruments, et puis qu'on leur cale un rendez-vous avec Martin Annett qui les attend derrière la console de mixage. Vous y croyez, ça ? Bah non, c'est absolument pas comme ça que ça se fait. C'est absolument pas comme ça que ça se fait. C'est l'inverse qui se passe. C'est Martin Annett qui va vers les filles. C'est Martin Annett qui va vers SG. Et en fait, il a même pas à y aller, il y est déjà. Alors pourquoi ? Et voilà la clé de l'intrigue. Elle est peu connue, alors autant insister. C'est qu'en fait, Martin Annett est déjà sur place parce que ACR, donc E, c'est un ratio, est en train de finir l'enregistrement de ce qui va être son premier album, To Hitch, album fondamental, qui paraîtra dans la foulée sur Factory. Mais à ce moment-là, il est en train de se faire et Martin Annett est là pour mettre en boîte le truc avec A Certain Ratio à New York. Donc, les filles, il n'y a qu'à les ramasser. Le studio est déjà là. Par chance, et ça c'est un truc qui arrive jamais, A Certain Ratio a fini en avance sur les heures de studio. Ils ont 3 jours d'avance. La plupart des groupes, ils ont 3 jours de retard. Parfois 3 semaines ou 3 mois. Là, on a 3 jours d'avance. Donc, Tony Wilson profite d'un effet d'aubaine extraordinaire pour dire « Ok, Martin reste dans le coin, je t'amène les filles ». Il en est tombé dingue amoureuse. Les filles, elles n'ont même pas eu l'idée d'enregistrer un disque à ce moment-là. On leur propose le truc, c'est pain béni. Et bien sûr, elles y vont. Elles y vont et tout est prêt. tout est prêt avec les réglages qu'on peut supposer pour un certain ratio. Et c'est là que je vais aller très, très, très précisément dans un truc qui n'a pas arrêté de me tourmenter depuis des années, ainsi que quelques autres personnes. Je me rappelle tout à fait avoir parlé de ce que je viens de vous dire avec Eric Rugg, qui était, qui est toujours un DJ, mais qui a vraiment compté sur la scène française, dans ce début de French Touch, et qui était un petit peu le pendant de Laurent Garnier, mais qui jouait volontiers plus funk, plus black, tout en étant vraiment dans une house absolument contemporaine des élans 90 qu'on aimait à ce moment-là, quoi, et puis même au-delà. C'était un grand fan aussi de SJ et Eric Rugg, comme plein d'autres. Et il me disait, mais écoute bien, c'est le son de Certain Ratio. Il y a probablement des chutes de Certain Ratio qui a ramassé Martin Annette pour les mettre sur le groupe. Comme le groupe était certes déjà constitué, mais finalement assez peu entraîné et assez peu habile avec un studio, certes, ce n'est pas leur boulot d'être dans la technique, mais enfin, on peut tout à fait supposer que Martin Annette soit amusé à bidouiller comme ça des emprunts de droite et de gauche à partir des bandes qu'il avait déjà enregistrées, y compris celles de Certain Ratio. À cela, il faut ajouter que Martin Annette, ça fait partie de ces producteurs qui vont imprégner, voire imposer, leur son à un groupe. Il y a deux sortes de producteurs. Il y a ceux qui vont être des révélateurs, qui vont réaliser un groupe, typiquement Connie Plank, et qui va pouvoir passer d'expressions totalement bigarrées, de Daft à Kraftwerk, en passant par Gianna Nannini en Italie, quoi. Donc on est dans des trucs comme ça, presque le grand écart. C'est pas strictement le cas avec Martin Annette. C'est même le contraire. Martin Annette, il fait le son de Manchester, il fait le son de Factory, et pardon du peu, je le rappelle, il fait le son de Joy Division. Et c'est un peu un son comme ça qui force finalement dans la plupart de ses productions. Y compris sur le premier album de Certain Ratio, pour lequel Certain Ratio ne va pas être très, très, très content en plus. Parce que justement, je trouve que le son est trop froid, la batterie trop réverbérée, on est plus dans une espèce de dub oppressif que dans un espèce de funk libéré. Donc, ce son un petit peu imposé et ce son assez caractéristique du premier album de Certain Ratio va finalement se retrouver plein pot dans le premier 45 tours de ESJ. Et voilà, et quitte à insister, je vous le répète, le matos est prêt, le studio est prêt, les réglages sont prêts, ça veut dire compresseur, gate, etc., pour enregistrer notamment la basse, parce que vous allez voir, tout tient énormément sur la basse de Valerie. Hein. C'est Déborah même, c'est la sœur Déborah qui joue de cette basse. Et dans le premier 45 tours, dans les trois premiers titres, elle sonne plutôt différemment, plus lourde, un peu plus pesante, on dirait presque la basse de Ja Webel dans Public Image, que celle qu'on entend un petit peu après. Voilà. Donc, le studio est prêt. Les filles, il n'y a qu'à y aller. Il y a deux morceaux enregistrés. Elles les font tous les deux de go. Martin Annette dit même, bon, c'est bien, j'ai un peu de bande, vous pouvez faire un troisième morceau. Et les filles font un troisième morceau. Premier morceau, You No Good. Deuxième morceau, Moody. Troisième morceau, UFO. Et ça paraît sur un 45 tours, version anglaise, sur Factory Record, anglais, et dans la foulée, mais vraiment quelques jours après, quelques semaines après maximum, sur un mini LP américain, sur 99 Records, avec donc les trois morceaux que je viens de vous citer en face A et une séquence live enregistrée au Euras Club en face B. Et une séquence enregistrée, mais vraiment pratiquement la veille. Hein, c'est tout chaud. Les trois titres du 45 tours que je viens de nommer sont énormes. Énormes. Tous font l'histoire. Le premier, You No Good, est l'archétype du son, du moment, de l'instant, de ce que peut faire ESJ à son meilleur. Mais plus étonnant encore, Moody, qui lui accélère carrément le truc finalement et fait un morceau de proto-house absolument évident qui a fait vraiment le bonheur de tous les DJ les plus pointus de l'époque et de ceux d'après. Et surtout, ce troisième morceau bonus, un instrumental, celui qu'on a ajouté là parce qu'il restait un peu de bande, UFO, OVNI, quoi. Qui est un instrumental totalement OVNI et qui va être une des pépites de samples les plus samplées, resamplées et rabâchées du hip-hop. C'est absolument incroyable. Il y a plus de 500 samples référencés de ce titre-là. Et quand vous allez entendre, vous allez absolument identifier le truc. J'en reviendrai. J'en reviendrai dans une deuxième partie d'émission. Il est temps maintenant que je vous mette un petit peu dans ce disque-là. C'est très amusant de savoir l'ambiguïté qui a traîné autour de ce disque. La pochette du 45 tours. La pochette du 45 tours, c'est un dessin pas très beau d'ailleurs. C'est marrant parce que les pochettes de Factory Records sont quand même un modèle de design. C'est Peter Saville qui signait la plupart des pochettes et ça a fait école. Et là, c'est un dessin fait un petit peu à la va-vite, volontairement hein, d'ailleurs. Et qui, bien sûr, là, de façon strictement volontaire aussi, dessine les filles, mais en version brune-blanche, un peu hispanisante. Mais elles font pas black, en fait. Comme s'il fallait pas mettre trop de noirceur au sens propre, hein, trop d'africanité sur un label blanc de blanc, en tout cas supposé blanc de blanc, qui était Factory Records à ce moment-là. Quant à la version de 99 Records, c'est celle-ci qui va devenir l'officielle. Alors là, la pochette est vachement plus belle. Elle est pop art d'une certaine manière, mais aussi post-psychédélique avec des couleurs un petit peu dégoulinantes. Le logo ESG, magnifiquement bien logotypé, justement, en bas à gauche de la pochette. Et sur ces mêmes couleurs, sur le verso de la pochette. Là, on voit distinctement les filles avec leurs prénoms identifiés, et puis on voit bien qu'elles sont de racines quand même super black et portoricaines. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, allons-y. Les trois premiers morceaux que vous allez entendre sont donc les trois titres du 45 tours mythique dont je vous parle. Très sérieusement, il n'y a pas un seul 45 tours au monde qui soit plus important que celui-là. Je pense que même un 45 tours des Beatles n'est pas aussi important. Waouh! Je m'engage un petit peu. Quant à la suite, bah effectivement, elle est ultra honorable. Elle est l'immédiateté qui va prolonger un petit peu le disque sur l'année suivante, sans rencontrer un strict succès, il ne faut pas mentir. D'ailleurs, à ce moment-là, les filles, elles ne vont pas rencontrer de succès. C'est quelque chose qui va être réhabilité après, plutôt dans les années 90. Et promis juré, je vous en parle juste après cette écoute. ISJ, voilà. Le plus bel acronyme du début des années 80, avec ces quelques morceaux, on se retrouve dans un peu moins de 40 minutes. Love you. Come on, come on, get on behind. Wow, ESG. Et ce morceau, Standing in Line. Même les culs de jatte, hein, ils dansent sur ça. Tout le monde. D'ailleurs, Standing in Line, j'ai pas annoncé le truc, mais c'est la gâterie de cette journée, parce que c'est un morceau vachement rare. Signé ESG 2. Alors j'ai dit aujourd'hui, et je tempérerai d'ailleurs en fin d'émission, que je me consacrais au ESG des années 80. Il va y avoir plusieurs reboots en fait, notamment un qui réactivera la machine en 91. Mais là volontairement je suis resté dans les années 80, et donc tous les titres qu'on a entendus étaient soit le single mythique que je ne me suis plus à vous raconter, mais l'album qui suit est... Enfin, il est fantastique aussi, quoi. Et vous avez pu vous en rendre compte à travers quand même quelques, wow, quelques pièces maîtresses, comme Away, Dance, voilà. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Standing in Line, qu'on vient d'entendre, est déjà une autre formule. Le groupe split, finalement, au lendemain du premier album, donc dès 83, c'est court, hein. Bien sûr, ils profitent absolument pas de leurs acquis, mais se reforment quand même, toujours avec René en capitaine, une formule un petit peu modifiée. Et... Off the Standing in Line, sur un maxi, sur un label qui durera que le temps de ce maxi, Gold Record, voilà, toujours ce G de ESG qui évoque l'or, ce à quoi elles aspiraient, les fifis, elles y sont pas arrivées, et ce Bam Bam Jam 12 inches de l'époque était complètement, complètement rarissime, dès les beaux jours, un petit peu du Paradise Garage, il faut dire, c'était même un des morceaux phares du Paradise Garage dans l'année de sa fermeture. Et figurez-vous que ESG a même été invité, il y a eu plusieurs invités pour la nuit de fermeture du Paradise Garage à faire un live. Et on se quittera, enfin je mettrai tout à l'heure le fameux live qui campait la face B du mini LP de 1981 de SG. C'est un peu tout à tiroir ce que je dis, parce qu'il y a des versions et des contre-versions. Mais avant d'arriver sur cette histoire de live et puis redonner un petit peu la noblesse, un petit peu effectivement aux filles d'SG qui ont une dimension sur scène... Chapeau les filles, quoi. Comme il était rappelé en commentaire sur l'annonce Facebook que je disais, voilà, il y a quelqu'un d'entre vous, je n'étais pas là, hélas, mais qui ont pu voir le concert au Rex Club en 1980. Voilà, c'est Actuel qui avait invité ESG à venir, quoi. Et les filles étaient pieds nus sur scène et ça jouait, ça envoyait du feu de Dieu, quoi. Ah là là. Non, retour sur ce qu'il faut bien le dire, a marqué à la fois. L'aura de respectabilité, le succès de SG, mais aussi sa perte, et tout au moins sa perte financière. SG est une pépite de sample. Mais là, c'est même plus la pépite, c'est la mine d'or complète. UFO. Rien que ce morceau-là, hein, le fameux morceau UFO, j'ai vérifié l'information hier soir sur le très crédible ou sampled. .com, donc qui référence un petit peu effectivement qui a pris un sample où, etc. Et croyez-moi, ils ne se trompent pas, les gars. Donc, hier soir, 540 samples étaient référencés pour le seul titre UFO. 540 ! Je ne pense même pas qu'il y ait un morceau de James Brown qui soit autant référencé. Bon, c'est clair que, mis bout à bout, les morceaux de James Brown samplés, à mon avis, on est au-delà des 500, mais on est parmi les morceaux, et si ce n'est peut-être le morceau, et ici, l'introduction la plus samplée au monde. Voilà, ce fameux UFO. Il est caractéristique parce qu'on a ce son de crécelle, absolument lo-fi, effectivement, d'un ovni un petit peu anxiogène qui débarque. Et fabuleuse l'histoire de ce morceau, parce que... René et ses sœurs, elles venaient de voir Rencontre du troisième type, le film pop par excellence, et un super film de Spielberg, hein. Quel que soit le camp où on se situe, quoi. Hein, je ne refais pas le film, enfin voilà, les extraterrestres consentent enfin à venir nous voir, et va s'en suivre une forme de discussion musicale qui va faire partie des premiers échanges qu'on va avoir avec une population extraterrestre, enfin une civilisation extraterrestre. Ouh, que c'est beau! Et c'était beau. Alors, ça se passait en pleine campagne, hein, forcément, on n'allait pas atterrir à Times Square. Et les filles des SG, se sont mis à imaginer, si les extraterrestres étaient venus là chez nous, dans le South Bronx, dans ces trucs complètement pourris, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, ils ont essayé d'imaginer ça en son. Et c'est formidable, c'est divin, ça marche absolument extraordinairement. Ce morceau, il a impacté immédiatement la rue. Et il l'a impacté précisément, et s'est retrouvé parce qu'il faut. Qu'est-ce qui fait que le morceau a été samplé. À ce niveau-là, on parle même de piratage, j'ai envie de dire. Quasiment immédiatement, et puis surtout durablement. En 1980, il y a deux compilations qui courent les rues, mais qui ne sont pas données, qui sont en fait des bootlegs. Leur nom m'échappe, c'est très difficile de les trouver, même les références en fait. Mais qui ont été finalement commencé à faire des DJ tools pour les sound systems hip-hop. Et allez pas croire que tous les gars des sound systems, surtout finalement dans le Bronx ou ailleurs, et ils avaient une discothèque de 3000 disques qu'ils attendaient où ils pouvaient choper des breaks. Bien sûr, ça existait, il y avait quelques DJ très pointus et dont l'histoire a retenu le nom, qui avait une discothèque fabuleuse. Enfin, voilà, avoir des milliers de disques, c'est un coût énorme. Tandis qu'avoir un gars un tout petit peu malin qui va vous préparer les pépites, il n'y a qu'à sampler, c'est là, c'est bon. Et puis ça s'est beaucoup vu après, parce que ça s'est fait très officiellement, finalement, de faire des compilations de beats and breaks, comme ça. Mais à l'époque, le concept n'existe absolument pas. Donc c'est fait sauvagement sur des bootlegs, qui se vendent comme ça dans la rue, et directement du producteur au consommateur. Et dessus, ESGI. Le morceau vient à peine de sortir, et ESGI. Et tout le monde va se filer ce disque-là, puis finalement emprunter ce sample-là. Et comme je dis, ça se fait durablement. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, le morceau va être samplé par... je vous dis, il y en a 540. Alors comptez pas sur moi pour vous nommer les 540. Surtout, croyez-moi, il doit y en avoir plusieurs que je ne connais pas. Mais, sur ceux qui sont connus et repérables, Public Enemy, Big Daddy Kane, je veux dire, des énormes pointures du hip-hop à des gars dont la carrière est complètement respectable. Mais pardonnez du peu, c'est pas non plus les gars qui ont fait preuve du féminisme le plus exacerbé, si vous voulez, auprès des communautés de femmes. C'est même tout le contraire. Et ça, c'est quelque chose qui met en rogne ESJ et René. Alors ça, évidemment, on peut un petit peu le comprendre. Je la cite dans une interview qui a été faite beaucoup plus tardivement dans les années 2000, parce qu'on lui demande ce qu'elle pense du hip-hop. Et Renée, elle saute pas, elle dit pas « Ouais, super, le hip-hop, on doit tout au hip-hop ». Ben non, c'est même un peu l'inverse. Et elle dit clairement « La seule chose dans le hip-hop qui me touche vraiment directement, c'est l'échantillonnage des morceaux d'ISG, ce que je n'aime pas. » Voilà. Et ce que je n'aime surtout pas, c'est les emprunts par des groupes misogynes qui ne respectent pas les femmes. Elle est claire là-dessus. Bravo René, elle a mille fois raison. Alors évidemment, à l'arrivée, quand Public Enemy prend le truc, c'est bien. Évidemment, Public Enemy, c'est bien. Et les autres aussi. Mais il y a peut-être même les trois quarts des samplistes de ce morceau-là qui ignorent même que ce sont des femmes qui ont fait le morceau. Donc que René, elle s'énerve un petit peu en vouloir mettre les pendules à l'heure, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée aussi, pourquoi ? Parce que, à votre avis, elle a beaucoup gagné sur les samples de UFO. Que dalle. En tout cas, que dalle dans les années 80 et là encore dans les années 90. Les choses vont changer. Les choses vont changer, heureusement, dans les années 2000. Mais enfin, voilà, il y a un manque à gagner, et évident. Alors évidemment, l'éternelle question du sample, de l'emprunt, elle questionne toute la dance music et puis toutes ces musiques-là à partir des années 80. Un sample n'est pas forcément un vol, ça, il faut aussi... Mais c'est ESJ, il y a au moins une reconnaissance évidente qui quand même pourrait se faire jour et puis quelques menus dédommagements qui ne seraient quand même pas une trop mauvaise idée. Ils ont fait d'ailleurs elles ont fait un titre, elles ont fait une exergue en fait sur un maxi 45 tours qui disait clairement samples credit don't pay our bills. Les crédits de samples, c'est pas ça qui paye nos factures. Point barre. Donc je crois que tout est dit là-dessus. Je vais revenir sur la dimension live du groupe. J'en parlais un petit peu. Et il se trouve que le commentaire que je lisais. Je ne le nomme pas, mais il se reconnaîtra, parce que c'est quelqu'un qui a été très, très, très important dans la culture vidéo, notamment à travers le concept Wonder Product, à l'aube des années 80 en France. On a des vidéastes très pointus en France, qui chopent l'art vidéo, et puis cette musique de l'époque. Effectivement, la No Wave en tête, mais pas mal d'autres, pour mélanger art vidéo et musique. Le mariage était parfait. MTV n'existait pas encore, on n'était pas à l'hyper-consommation de vidéoclips, qui a pourri le truc bien plus tard. Enfin, bien plus tard, relativement vite après, hélas. Et à ce moment-là, bah, dans cette bande-là, il y a l'artiste Yan Min, qu'on connaît comme un... C'est un auteur, c'est volontiers même un auteur de science-fiction, mais c'est quelqu'un dont, qui est un petit peu à la tête d'un art proto-multimédia en France, et spécialement un art vidéo. Et il a fait un film sur, je pense, et je ne peux pas en être sûr, sur le live du Euras de 1981, qui va être mis en face B, donc du mini-LP d'ouverture dont je parlais tout à l'heure. Très, très étrange. Cette face A, donc, j'en ai dûment parlé avec les trois morceaux cultes de chez Kult et produite par Martine Annette. La face B, et là, on est sur 99 Records, je ne reviens pas sur l'histoire du label. 99 Records, donc, met ce live auquel assistait Balam, le boss du label. Et le live est produit, je le dis bien, produit... par Glenn Branca. Signature assez majeure du label 99 Records. Mais Glenn Branca, ISJ, c'est l'antipode quand même, quoi. Je rappelle, Glenn Branca, c'est ces grandes symphonies de guitare électrique, on vient de plutôt le pied dans la musique contemporaine, quand bien même elle embrasse clairement les stridences du rock, voire du punk et du post-punk, mais on n'est pas dans le camp dance et black. Néanmoins, cette session live, donc j'insiste, un concert, a priori, c'est pas produit en studio, hein, c'est, par définition, c'est le contraire, est dite et dûment produit par Glenn Branca. Les droits sont gelés par Glenn Branca, probablement parce que le sound system lui appartenait, et jamais, jamais, jamais une réédition de ce live n'a pu voir le jour. Et donc il y a deux traces de ce live-là, mais qui sont pas officielles, qu'on trouve plus. C'est effectivement la fameuse face B du mini-album, et un film de Yan Min, supposément la scène d'Euras, mais ça peut être une scène ailleurs. Maintenant, je pense que c'est presque note à note la même chose, donc je ne pense pas me tromper, mais je peux me tromper. Hein. Et oui, quand même des incertitudes dans cette émission, et tant mieux. Et c'est un film culte qui fait la gloire du groupe, mais qui fait aussi la gloire d'un art vidéo pionnier de l'époque, dans lequel Yan Min Nguyen, de son vrai nom, Yan Nguyen, a été vraiment, vraiment un des super zélateurs du début des années 80, quoi. Donc voilà. Ceci existe. Ou aucune trace en ligne, aucun commentaire. C'est terrible. Donc si l'un d'eux de mon temps, là, Yan Min ou autre, diable, que ce film réapparaisse, quoi. Que ce film réapparaisse. En plus, c'est avec ce film, dans un festival vidéo en province, que je découvre ISJ à la sortie de disque en 1980. Et j'envoie immédiatement sur le disque que j'achète. Donc voilà une histoire d'affect, hein, même d'amour, et n'ont pas peur du mot, qui me touche absolument directement. Du coup, écoutez, vous la méritez peut-être cette session live, parce que bon, on la trouve pas dans sa version filmée, mais on trouve la version audio, qui est en fait un ramassis très court. Vous allez voir, ça dure 7 minutes et demie, de 4 morceaux d'ISJ. Et vous allez voir, j'allais dire, la puissance que peut dégager ISJ. C'est une puissance, mais dans le petit, dans une forme d'autosuffisance extraordinaire. Et bien sûr, c'est une leçon de groove imparable. Voilà, je nous offre ça en sortie, et puis, puisqu'il nous restera sûrement 5 ou 6 minutes davantage, quelques morceaux des années 90, au moins un ou deux, pour boucler cette boucle, mais provisoire, parce que ISJ existe encore. C'est Mama René, maintenant, qui dirige ses filles, et qui, non seulement rejoue un petit peu les classiques, mais enfin, en compose aussi de nouveaux. Les voici en live, le concert de Louaz, en 1981. There ain't no- Yeah.